Coucou Sagat, on est parti pour l'astrologie chinoise. On va commencer dans l'ordre par nos Amiras. Et ce trimestre, Amira, tout ton corps va te dire bouge. Alors, randonnée, escalade, t'es pas obligé d'être un athlète olympique, même une danse dans ton salon, mais remets de la vitalité dans ta vie, remets du mouvement, bouge, bouge, bouge, Amira. Pour la carrière, pour le professionnel, on a un projet qui commence à germer comme si une petite graine qu'on avait laissée planter là et que l'on avait oubliée. Ça peut être formation en ligne, nouvelles compétences, t'es bon pour enrichir ton curriculum vitae et nourrir ton cerveau. En couple, pourquoi ne pas te mettre au thé, à la cérémonie du thé, histoire d'être dans un partage beaucoup plus profond, histoire de faire plaisir aussi à l'autre et de te faire plaisir et d'entamer une conversation sincère. Quant aux célibataires, les soirées entre amis pourraient bien te réserver de belles surprises. Alors le conseil, essaye un sport d'équipe. Ça pourrait t'aider à bouger plus, ça pourrait être amusant aussi pour toi et qui sait, peut-être trouver un partenaire pour t'aider dans cette petite graine au niveau professionnel. Ami buffle, tu ressens un besoin de calme, de recentrage, de douce routine. Alors, cuisiner des plats sains ou te perdre dans une activité créative telle que le tricot pourrait être une bulle d'oxygène pour toi. Ouais, le tricot, ça peut être rock'n'roll. La carrière, tout est stable. Les conflits au travail pourraient te souffler, prendre un petit peu de recul. Rien ne te force à foncer tête baissée, même si c'est dans ta nature. En amour, tes relations deviennent profondes. C'est vrai, envie de t'isoler avec l'autre. Mais attention, tu n'es pas une île après tout. Mon conseil aussi pour ce trimestre, investis dans ton confort. Un plaid tout doux, une petite plante verte, histoire de t'amener de la verdure dans ton espace, ça va t'aider à te calmer. Amis tigres. Alors pour nos amis tigres, on a tennis, escalade, running, on a l'embarras du choix, il a envie de bouger notre ami tigre sur ce trimestre-là. Peu importe ce que tu vas faire, l'essentiel c'est qu'il y ait du mouvement. Ton corps te dira merci et ton esprit aussi. Le plan de la carrière, une idée, tu te trottes dans la tête. Peut-être envie d'indépendance, pourquoi pas une petite entreprise annexe ou une activité annexe en plus de ce que tu fais. En tout cas, les étoiles te disent oui. Pour les amours, la complicité est au rendez-vous. Et pour les célibataires, côté amour, quelqu'un de ton entourage, de ton cercle pourrait causer la grande surprise. Et puis un conseil, ne te perds pas trop dans ton boulot. Prends aussi le temps pour des loisirs qui te font sourire. Pour toi, ami lapin, sur ce trimestre, peinture, yoga, méditation et pourquoi pas la peinture avec les doigts, tout ce qui te permet de te recentrer sera parfait. Ce trimestre, c'est toi, toi et toi encore. Pour la carrière, tu penses à long terme et ça se voit. Nouvelle idée, tu es en train de bâtir quelque chose d'assez solide. Pour les amours, les relations coulent paisiblement. Mais fais attention à ne pas te laisser envahir par les autres. Tu as la baguette magique de tes amours, pas celle de tes voisins. Ami dragon, on a la vitalité en poupe. Tu veux prendre de la hauteur. Eh bien, littéralement, escalade, fais de la randonnée, va marcher dans les montagnes. Ça te fera vibrer. Pour la carrière, le professionnel, on a des opportunités qui surgissent de nulle part. Si tu as une idée de projet, c'est le moment de lui donner vie, ami dragon. Investis dans ce qui t'inspire sur ton professionnel. Pour les amours, alors là, tu as une rencontre inattendue qui est possible. Ton ciel est dans l'inattendu, donc tout est possible en amour pour toi. Mais ne te précipite pas, car attention, le cœur a son propre timing. Ami serpent, côté vitalité, le calme te va très bien. Un bouquin, un bon livre, une petite tasse de thé ou de café, cosy installé dans ton fauteuil. Tu aimes ces moments-là, sur ce trimestre-là, tu aimes te recentrer sur toi. Et tu as bien raison, laisse les trucs trop bruyants aux autres. Pour la carrière, on a les réflexions, les changements de cap qui sont dans l'air. Tu veux que ton boulot ait un sens, qui te nourrisse, c'est vrai, hein, qu'il ne soit pas juste sur ton compte en banque. Tu veux, sur ce trimestre-là, y mettre du sens. Pour les amours, la famille sera ta priorité, c'est vrai. Mais n'oublie pas de sortir un petit peu, même si ton canapé te fait de l'œil. Vitalité, à mi-cheval, une envie de bouger te chatouille. Eh bien, rejoins un groupe, une équipe, tes amis, essaie un nouveau sport. Trouve du plaisir dans ta pratique. Côté carrière, on a un projet créatif qui pourrait changer la donne. Entrepreneur, c'est ton moment. Amour, célibataire ou en couple, l'amour se danse comme un slow avec toi. Laisse les choses se faire tout simplement. Ne te laisse pas déborder par tes ambitions, écoute ton cœur. Nos amis chèvres. Le yoga, la marche en pleine nature ou même une sieste sous un arbre te feront le plus grand bien. C'est le mot nature qui compte. Et n'oublie pas de faire la paix avec ton assiette. Des opportunités côté carrière, activités professionnelles inattendues te tombent dessus. Par contre, gère bien ton budget. Les vacances se préparent. Côté amour, eh bien, famille et amis t'apporteront tout cela, de la chaleur. Et l'écoute sera ta meilleure arme, donc tends l'oreille. Pour nos amis singes, ton énergie est débordante, ta vitalité est là. Pourquoi ne pas l'investir dans un sport d'équipe? En plus, ça boostera ta sociabilité. Côté carrière, activité professionnelle, tes idées brillent comme des diamants. Mais attention aux rivalités, reste quand même stratégique. Côté amour, amis singes, on a de la sortie en groupe, de la sortie en commun, de la sortie à deux, de la sortie romantique. Ce trimestre englobera un petit peu tout cela. Soyez curieux, amis singes, des petites découvertes peuvent illuminer des quotidiens. Amis coqs, ralentis, tu as trop de boulot. Ta vitalité t'appelle au secours, tu fatigues. Côté carrière, tu as envie, oui, d'apprendre des choses nouvelles, d'affiner tes compétences. Mais s'il te plaît, va jusqu'au bout de tes apprentissages parce que le piège se referme derrière toi. Côté amour, lâche un peu le côté perfectionniste. On te fuit à cause de cela. Si ta vaisselle n'est pas faite, c'est pas grave. Pourquoi pas la faire à deux? Laisse l'amour respirer sans calcul, ami coq. Et pose-toi la question, qu'est-ce qui te fait réellement vibrer? Alors toi, ami chien, tu retrouves un sport que tu aimais faire avant, peut-être du triathlon, peut-être du marathon, du jogging, en tout cas, tu reviens dans ces premières passions-là. Par contre, prends soin de tes articulations, elles ne sont plus toutes neuves. Alors on a une stabilité financière, mais attention, garde un œil sur tes projets pour améliorer ton confort de vie. Ta légendaire loyauté renforce les liens si tu es en couple et si tu es célibataire, n'oublie pas aussi d'apprendre à écouter les autres. Tends l'oreille. Et puis un sourire de temps en temps, de l'optimisme, ça fait des miracles. Pour nos amis cochons, fais-toi du bien. Un massage, un hammam, un spa, pense-y, tu as besoin de détente. Trimestre, il va te falloir le dédier à ton bien-être. Et puis, si tu rêves de lancer un projet, eh bien, sache que tes efforts sont remarqués côté travail. C'est le moment de foncer. En amour, des moments doux t'attendent. Tu sois en couple ou non. Reste simplement toi-même. C'est comme ça qu'on t'aime, ami cochon. Apprécie les petites choses. C'est elles qui font souvent les plus grandes différences. Tchuss tchuss les amis, merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Je suis Agathe Devry. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Astro Center Wengo. Là, vous pourrez bénéficier de 10 euros offerts avec le code Agathe en majuscule. Tchuss tchuss, à bientôt.